It's never been a democracy. The con game is a word invented to placate people, make them accept a given institution. All institutions sing, we are free. The minute you hear freedom and democracy, watch out. Because in a truly free nation, no one has to tell you you're free. J'aimerais pouvoir m'envoler majestueux comme l'aigle, mais rien n'y fait en fait, l'homme est un oiseau sans ailes. Amputé dès la naissance pour la plupart de son espèce, il vaut mieux pour lui qu'il naisse riche ou qu'il naisse bête. On est prisonnier devant ou derrière les barreaux, si on t'offre la liberté, ne la prends pas comme un cadeau. Mon gars tu craques, si tu crois que je crois en la démocratie, cette théorie qui de nos jours n'est plus mise en pratique. Ça te saoule pas toi de te voir bêtement pêtre et rire? Ne vois-tu pas qu'ils font des entreprises, des bergeries, mais qu'on s'engraisse avec toutes leurs conneries, prisonniers de leurs concepts qu'on broute comme des abrutis. Ceux qui ont la recette pour un monde meilleur ne sont pas mieux au devant de la scène, qu'ils aillent se faire voir ailleurs. J'avais un doute sur ma liberté, chaque fresque ou la éclaircie. Je serai libre le jour où personne n'aura à me dire que je le suis. Je me libère de ces jeunes. Je ne peux pas concevoir que l'on dicte mes choix. Je me libère quand l'on me brûle sur ma feuille. Et tous mes livres parlent de ce qui se passe autour de moi. Je pense donc je suis libre de dire ce que je crois. Je voudrais juste vivre dans un monde libre, mais sans rire. Je crois que l'homme n'est pas prêt à faire des sacrifices. Il s'enivre sans se dire qu'il pactise avec tous les vices et tous les êtres qui pratiquent la traîtrise. Chaque chose a son prix, mais moi je suis pas d'accord. Et ça m'étonne dès lors que la jalousie transperce les corps. Pour une simple opinion, ça morce le coup d'opinel. Et quand ça parle pognon, peu d'hommes connaissent encore la politesse. Appelle la police, mais laisse-moi rire, montre tes papiers. Il te les faut pour être un homme libre. Tu piges la connerie? Non, ne me demande pas de me taire. Pourquoi l'homme doit forcément marquer ce qu'il possède? T'es libre de penser ce que tu veux, mais garde-le pour toi. Sinon l'ordre t'enverra des gardes peu courtois. Souviens-toi d'une chose, c'est que ne joue pas si jamais te propose la liberté en courtois. Je me libère de ces jeunes qui s'obstinent à me mettre au pied. Je me passe de marcher au pas avant qu'il n'écrase ma fierté. Je ne peux pas concevoir que l'on me dicte mes choix. Je pense donc je suis libre de trouver ma voie. Je me libère quand l'autre coule sur ma feuille. Les soirs de pleine lune quand je fais danser les anges qu'aucun et mon ours à gueule. Et tous mes livres parlent de ce qui se passe autour de moi. Je pense donc je suis libre de dire ce que je crois. Après l'avoir traqué jour et nuit sans relâche jusqu'à son repère, moi, Jaeger, le plus grand des chasseurs, j'ai réussi à abattre tout seul cette maudite bague.